إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أمة الإسلام يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال أهل العلم في تفسير هذه الآية أي علموهم وأدبوهم ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم صحيح قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إهمال أمر الأبناء والأسر وترك الحبل لهم على الغالب يفعلون ما يشاءون دون رقيب ولا حسيب وإن انشغال من أيديهم القوامة على الأسرة عن تيسير دفتها وقيادة سفينتها ومتابعة أعضائها يقود إلى عرقها وتهرودها لأمواج الفساد وطوفان الضياع والدمار خصوصا في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وتلاطمت فيه أمواج الفساد وكثرت الفتن حتى لكأن الولد فيه حمل وديع في أرض مزبعة إن غفل عن تخطفته السباع الضارية والوحوش الكاسرة والله المستعان. كيف ونحن نعيش اليوم في عصر تقذف فيه المطابع بهجمات مجموعة عبر مجلات هابطة وكتب مسمومة كيف وكيف والعصر عصر إعلام بما تحمله الكلمة من معنى ونحن نعيش اليوم عصر الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية والمواقع الإباحية وعبر الشبكات العنكبوتية لكننا نحمد الله جل وعلا أن وفقنا للاعتصام بحبله سبحانه وتعالى. ماذا جنى المسلمون لما انشغل أولياء أمور أسر عن متابعة أبنائهم وبناتهم والقوامة على نسائهم وأزواجهم؟ إن إفراز أجيال لا تحمل رسالة ولا تعي هدفا ولا غاية من الجنايات العظيمة التي مردها إهمال التربية وغفلة الأبوين عن القيام بواجب الإصلاح والعناية والوقاية. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عباد الله، عاتب بعضهم ابنه على العقوق وقد أهمل تربيته، فقال يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا وإنك لا تجني من الشوك العنب. وأعظم من ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. عباد الله، أمة الإسلام، إن طريق الخير والصلاح والفلاح وسبيل النجاة والعز والنجاح موصل إلى بر الأمان وشاطئ السلام إنما يبدأ أول ما يبدأ بإصلاح الأسر وتربيتها على الإيمان والقرآن ومنهج الإسلام والسنة لتكون صماما للأمان في المجتمع، محبة للخير والهدى، دائرة للشر والفساد والردى، قائمة بحقوق الله وحقوق عباد الله، راعية لحق الكبير والقريب، ولي الأمر والعالم ومن له حق عليها. إذا كانت الأسر لا قدر الله أوكارا للشياطين وبؤرا للفساد والمفسدين، لا يسمع فيها ذكر الله ولا يتلى فيها كتاب الله، وإنما يعمرها اللهو واللغو والباطل، فقل على الأمة السلام، فإن المسؤولية في تربية الأسر لا تقع على كل فرد من أفراد المجتمع، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف دوره ويقوم بواجبه في الإسهام في صلاح الأسر والبيوتات وإبعاد وسائل الفساد عنهم. فيا أيها المؤمنون، قوموا بوظيفتكم. وإن بعض الآباء لينشغلون بالدنيا عن أبنائهم، فيا أيها الآباء، كفى انشغالا بالمدة عن أسركم وبيوتكم وتربية أبنائكم وبناتكم. وإن مما يؤسف له أشد الآساف أن بعض الآباء هداهم الله لا يعرف أسرته إلا في مواعيد الطعام والنوم دون توجيه ولا تربية، وبعضهم يحسب أن إسعاده لأسرته إنما هو بالمسكن والمطعم والمشرب والملبس وإشباع رغباتها المادية وتحقيق طلباتها الدنيوية، وكأنها حظيرة الأغنام وهيئات أن تخرج هذه التربية المادية جيلا صالحا أو نشأ مستقيما في غياب التوجيه السديد والتربية السليمة. وإننا نتساءل لمن تترك تربية الأبناء إذا تخلى عنها المربون والآباء؟ لمن تترك تربية في الذات الأكباد ومهاج النفوس وثمرات الفؤاد إذا تخلى عنها البيت والأسرة؟ فاتقوا الله عباد الله، وليقوم كل منكم بواجبه تجاه بيته وأسرته، وإنه بفهم كل واحد منا حقوقه وواجباته تجاه أسرته وبالعمل بها تصلح الأسر ويتحقق للمسلمين ما يصبون إليه من استقرار أحوالهم وسعادة مجتمعاتهم وصلاح أبنائهم وسلامات أجيالهم بإذن الله تعالى. وما ذلك على الله بعزيز أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، chers croyants, chers croyantes, Allah nous dit dans un passage dans le Coran, dans un verset, dans le saint livre, dans le noble Coran, il nous dit en exhortant les croyants, en commandant aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous les croyants, préservez-vous d'un feu, vous et les vôtres. Ce verset est immense. C'est un rappel pour tout croyant et pour toute croyante. J'ai lu un serment concernant l'importance de l'éducation de nos enfants. Bien sûr que je pourrais pas traduire entièrement, sinon ça prendrait énormément de temps. mais je vais vous résumer le cœur du rappel. À savoir que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Kullukum mas'oul » « Vous avez tous une responsabilité. » Chaque personne a une responsabilité. « Kullukum ra'in » plutôt « Wa kullukum mas'oulun an ra'ayati » Vous êtes tous des sortes de bergers et vous êtes tous responsables. Chacun est responsable. C'est pour cela dans un récit, le prophète sallam nous dit que l'imam est responsable. L'autorité a une responsabilité. L'homme a une responsabilité dans son foyer. La femme a une responsabilité dans son foyer. Chacun a une responsabilité. Et le terme en arabe qu'on traduit par responsabilité, mas'oul, ça veut dire que lorsqu'on a une responsabilité, le mas'ouliya, ça veut dire qu'on sera interrogé pour cette responsabilité-là. Et donc, il arrivera un jour, le jour du grand rassemblement, devant notre Créateur, on sera interrogé sur les responsabilités qu'on avait. Donc, un chef d'entreprise a des responsabilités concernant ses employés. Il doit être juste et bon et bienveillant. L'employé a des responsabilités dans le fait d'observer son travail pour lequel il est rémunéré. Le père de famille a une responsabilité. L'imam a une responsabilité. Chacun d'entre nous a une responsabilité. Et chacun d'entre nous sera interrogé pour cette responsabilité. Et parmi les responsabilités dont je voulais qu'on se fasse le rappel, la responsabilité de l'éducation de nos enfants. Où sont les parents par rapport à l'éducation de leurs enfants? On sera interrogé le jour de la résurrection. Aujourd'hui, nos enfants sont la cible, sont en proie de nombreux fléaux. Le fléau de la délinquance, le fléau de la mauvaise éducation, le fléau des mots du mal de la rue. Beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup d'enfants sont laissés seuls devant les réseaux sociaux. Vous avez vu, nous vivons une époque très compliquée, très difficile. Il y a des nouveaux moyens modernes qui peuvent être avantageux selon certains aspects, mais aussi qui peuvent détruire les mœurs de la personne, que ce soit des parents, que ce soit des enfants. Et beaucoup d'enfants ont été abandonnés. Ils sont laissés. C'est pour ça que beaucoup d'enfants ont connu le chemin de la délinquance, le chemin de la rue, des mauvaises choses. C'est pour ça qu'on voit une mauvaise éducation dans la manière de parler, jusqu'à ce que les enfants ne respectent plus leurs parents. Aïn al-Aba, où sont les parents? Parce que les parents sont occupés à l'acquisition des biens d'ici-bas. Ils sont occupés à vouloir obtenir quelque chose qu'ils n'obtiendront jamais. Ad-dunya, cette vie d'ici-bas et les biens de cette vie d'ici-bas, tu n'obtiendras jamais cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas, c'est une jouissance, une réjouissance trompeuse. Cette vie d'ici-bas est éphémère. Tu penses pouvoir l'acquérir, mais tu ne l'auras jamais. Alors toute notre vie est faite, et on cherche, et on court après les biens. Alhaakum at-takathur, la course à l'abondance. On veut l'abondance. C'est pas interdit de bien vouloir vivre, mais l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas, elle nous fera périr. Et de ce fait, on en oublie nos obligations devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, on en oublie l'éducation de nos enfants. Mithal, un exemple que je n'ai pas cité en arabe. On était en période de vacances. Et le rappel, faut le faire, moi je serai interrogé. Et le rappel, je le fais déjà pour moi-même. J'essaie de m'exhorter et de m'encourager. Et ainsi, on s'entraide. Où étaient les enfants pendant les vacances? Subhanallah. On ne parle pas des enfants qui peuvent être Adushawish, Al-Musallin, Sabab Tashwish. Les enfants qui peuvent perturber, par exemple, les fidèles d'un bas âge, qui ne comprennent pas trop les choses. Ça, c'est une chose. Mais il y a des enfants, où les enfants de la communauté de la ville, où étaient-ils? Je n'ai pas vu d'enfants, très rares, dans nos mosquées, pour apprendre les bons comportements. Donc, les parents, certains veulent sauver leur peau. Alors, on les voit premier rang, Ils sauvent leur peau, ils se disent, Allah ghalib, moi je prie, alhamdulillah. Ou abnak, et tes enfants, ta famille, ta demeure, tu dois faire de ta maison une demeure de bonheur. Fais les causes. Ensuite, al-hidayah biyadillah azza wa jal. Bien sûr, la guider n'appartient qu'au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas guider les cœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, Allah azza wa jal, notre Créateur, le Très-Haut, a dit au prophète, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Le prophète n'avait pas cette prétention de pouvoir pénétrer dans les cœurs des gens et d'ouvrir les poitrines. C'est lui qui guide et qui accorde la réussite pour aimer son Créateur et cette religion, et aimer la dévotion et la vénération du Créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Allah azza wa jal nous a octroyé quelque chose. C'est ce qu'on appelle la guidée d'orientation et d'indication. On peut orienter vers le bien. On fait les causes. Alors beaucoup de parents se plaignent du manque de respect, du manque d'éducation, du manque de moralité de leurs enfants. Ils n'y arrivent plus. Mais est-ce qu'ils ont fait les causes? Est-ce qu'ils ont tout fait? Ou bien ils étaient préoccupés? Ils étaient préoccupés par leur propre personne. Ils étaient préoccupés par leurs occupations qui étaient plus importantes. Et ensuite le temps passe, on se dit plus tard, l'année prochaine, et ensuite on a perdu nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui ont sombré dans la délinquance, beaucoup d'enfants qui ont ruiné leur avenir, beaucoup d'enfants dont la moralité s'est dégradée, beaucoup d'enfants dont les parents sont meurtris, désemparés. C'est dû à quoi? Qu'ils ont été abandonnés. Wa'aula abdal muslimin. Et ça, ce sont les enfants, les filles et les garçons de notre communauté, dans une grande majorité. Fa'in al-aba, où sont les parents? Nos enfants, il faut leur accorder une attention particulière. Il faut parler avec eux. Il faut éviter aussi bien la sévérité, la dureté, mais éviter aussi le délaissement. Il faut un juste milieu. Il faut les écouter. C'est une nouvelle génération. Ils sont exposés, ils sont proies, ils sont cibles à de nombreux fléaux. Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. Si c'est pas vous en tant que parents, vous contrôlez ce que regardent vos enfants. Même des parents non musulmans se plaignent de la décadence. Des nouvelles applications. Les enfants sont proies. Et on les a abandonnés. On les laisse seuls face à ces dérives. Et ensuite, on pleure. Alors comment est-ce qu'on va former des bonnes générations? Et qu'est-ce qu'on va dire devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on sera interrogé? Pour terminer, une très belle histoire. Un jour, un imam, il vit un homme en lui disant, quel âge as-tu? L'homme lui dit, j'ai 60 ans. Ma umruk? Qala 60 sana. Qala subhanallah. Mundu 60 sana tasiru ila Allah yushiku an tasil. Il dit, par Allah, ça fait 60 ans que tu vas vers ton Créateur. Et tu es presque arrivé vers lui. Depuis 60 ans. Il y en a, ils ne vont pas les atteindre, les 60 ans. Et il y en a, malheureusement, ils n'ont pas atteint les 60 ans. Des années pour pouvoir adorer Allah et se préparer à cette rencontre. Avec notre Créateur. Une rencontre où on devra répondre de nos œuvres, de nos paroles, de nos responsabilités. Les gens veulent les responsabilités. Mais il faudra répondre lorsqu'on sera interrogé. Alors l'homme lui a dit, subhanallah, mundu 60 sana, l'imam lui dit, tasiru ila Allah yushiku an tasil. Ça fait 60 ans que tu vas vers ton Créateur. Et tu es presque arrivé. Alors l'homme lui dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'homme lui répond, certes nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. Alors l'imam lui a dit, connais-tu l'explication et l'exégèse de cette parole? Nous appartenons à Allah, vers lui, ata'lam tafsiraha? Et l'homme ne savait pas. Alors l'imam lui dit, من علم أنه لله وإليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. Alors l'imam lui a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Il lui dit, من علم أنه لله وهو إليه راجع, que celui qui sait, qui a compris qu'il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il sache qu'il est en suspens, en arrêt. Dans cette vie d'ici-bas, on est en suspens. On est en attente. Vous attendez votre délai. Vous attendez El Maut, la mort. On attend tous le délai. Il va venir. C'est inéluctable. Il va venir. Tout âme goûtera la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera la mort. Alors l'imam lui dit, alors celui qui sait qu'il reviendra vers Allah, qu'il sache qu'il est en suspens. Et celui qui sait qu'il est en suspens, alors qu'il sache qu'il sera interrogé. Et celui qui sait qu'il sera interrogé, alors qu'il prépare les réponses aux questions. Préparez-vous. On sera interrogé sur l'éducation de nos enfants. Il faut se préparer. On sera interrogé sur nos devoirs. Il faut se préparer. On sera interrogé sur nos obligations. Il faut se préparer. On sera interrogé sur notre relationnel, notre beau comportement avec les autres. On sera interrogé sur nos déficiences, nos manquements. Si on a fait du mal, il faut se préparer. On sera interrogé si on a été injuste. Il faut se préparer. On est obligé de se faire le rappel. Un jour, des hommes ont dit à un imam, dans les premières générations, « Tu nous fais peur, ici-bas. » Alors il leur répondit, « Il vaut mieux connaître la peur ici-bas et ensuite connaître la sécurité dans l'au-delà. » Et que cela commence, hein, d'abord, dans la première demeure, la tombe. On est tous là pour s'entraider. Et tous les enfants de la nation sont nos enfants. Vos enfants sont nos enfants. Il faut s'entraider dans la tarbiya. Tout seul, c'est très difficile. Il faut qu'ensemble, on s'entraide. Dans l'éducation, dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, dans nos devoirs envers Allah, dans les prières, on a connu des gens, Wallah al-Azim, pour terminer, des imams dans certains pays, subhanallah. L'imam connaît les fidèles. Il suffit que le fidèle s'absente deux jours, l'imam vient le voir. Wallah, ahad al-Mashaykh, ahad al-Mashaykh, fait Ardi al-Haram, à Mecca, qui fait partie d'une grande famille, une grande notoriété, l'une des plus grandes familles d'Arabie, très célèbre, très connue. L'un des membres de la famille est imam. Imam de Al-Jama, imam de la mosquée. Wallah, lorsque les fidèles s'absentent, il vient après Salat, il marche, il te prend par la main, Aïna kunt. Ya Ibni, oh mon fils, où étais-tu? Il te demande, tu étais malade? Il te demande, attention, viens. Un jour, Ahad al-Tullab al-Ilm, fil Medina, qui prie souvent dans la mosquée d'un grand savant de Medina, un jour il s'est absenté le matin et n'est pas venu à la prière de la demande de pluie. C'est la demande de pluie ou bien Al-Kusuf, ou bien de l'éclipse. C'est une prière plus rare, qui est rare. Et le Tullab al-Ilm avait oublié le rendez-vous. Le Cheikh l'a vu. Il lui a dit ne recommence pas. Tarbiya. Et les ulama, ils étudient les tullab al-ilm, à être pieux, à avoir des bonnes moralités, à bien observer. Pourquoi? Parce que at-ta'amun, c'est une entraide entre nous. C'est pour ça qu'Allah a fait alaykum bil jama'a, yadullah ma'al jama'a. Nassallah jalla wa ala al-thabat wa al-tawfiq, ya muqallib al-qulub thabbit quluban ala dinik, ya muqallib al-qulub thabbit quluban ala dinik, allahumma ahdina wa ahdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ahdina wa ahdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي نساءنا اللهم اهدي بناتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك